de la drogue à la maison. J'suis pas loin d'avoir raison. Vois plus passer les saisons, je fais rougir toutes ces pétasses maintenant qu'ils ont 19 piges et le col sur les caissons pendant le concert sur un vrai son. J'ai de la bousille, même ta cousine freestyle dans le jacuzzi. Toi t'as tout dit, toi t'as tout fait. Je reviens plus fort quand j'appuie fort. Quand t'as nous-mêmes survol à rater. Je suis juste pied à terre, je vous espionne. T'es un pion dans le code, toi t'es un. Côté bourse, le mec, je suis très dans man, il est court. Toi si t'es court, refroidi de spi, on pratique de shit. Toi t'es chic, je fais des paras. Toi t'es dans des garages, on navigue dans les parages. Ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon. On aura à tout cramer, vos mots de merde, vos façons de faire, tout nous déplaît, tout ça nous dérange. Là je prends de l'élan, j'y fais la concours sur demande. C'est facile et toi ça te dérange. On aura à tout cramer, vos façons de faire, tout nous déplaît, on veut juste briser les règles, tes codes de merde et ton putain de game. Mais grandissant d'avance, si tu pop c'est que t'as de la chance. Là ça en devient marrant quand tu te vends sur ton cas, même pas je me penche. Je veux juste qu'on se la verse, faut que ça paye vite le cash, faut faire entrer. Je vis plus dans le passé, fuck un échec scolaire. J'ai des liasses à brasser, dans la piscine je veux plonger. Un sang j'ai des taspés. Ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon. Ta VS est là, Jack en train de faire une OD. Repos magique dans son nez qui va la faire canner. Ils meurent tous de toute façon, ton intercro le sable. J'suis avec AIM, ta gauche la PIN. J'mets un glauque noir, je sors dans la baignoire. Ta pétasse rend visite, mais c'est pas moi qu'elle vient voir. C'est des drogues qu'elle vient voir, c'est des tulles qu'elle me doit. Tu sais j'm'en bats les couilles, tu sais j'en bats les couilles. Ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon. Ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon. Ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon. Ils meurent tous de toute façon, ils meurent tous de toute façon.